Jean-Marie Bokoki. Sylvie Bokoka la Braza. Braza Chabani Webe. Ritchie Yunga. Champion Mamba, Ritchie Yunga. Yunga le Oto Samanya. Bosenge bakando lingaye papa eli bomolo ilumane ya nangaye chaque maseke na kaka la take bango je sais mal de le capetolé ye otima papi bombala zoino ma maison bosanga kali mama beza ba se papa no fane para papa mama jene general oye jeni lembe mama no fane ye de spraya. Je vais ici, moi, à Mama Guilaine. Léon de Chine. Chacun tout la sana miangé. Et Kaba Kaba n'a bien aillé. Papa José de côté. Sawaninga Kabalinga tout. La vraie machine. C'est que ma cabosi me fallait. Sakanta ma botanene. Yamidi botapa. Mama yanga botitalo. Mathieu 7-7 aussi botelé. Le maman na Francisca. Yele le malo le lo. Tu m'appuya. Sala FM chez Francine. Oye ne ba mango tebeda. Bola lo betua. Le me ba kwa na sende tabo le ba konse ke ba kando di. Shina bo tapa. Ba kando mono sa mona ywe la mborumbe. Andre ikalako. Na oba sa mokolo maputa. Bola pele ngos. Oba abata mama jenye. Kopi lo kienyo kusa mplis. Sede sanka ya bino ya ngoyo. Chapote Kale Israel, Sotamo Boudungo, Tebede Serge Kayupa, Mwana Kinga Bango, Tebede Le Pibo Poko, Ebo Ntama Perazi wa Nkwanano Ilemo Grosso, Ye Titi Loli Lomala Wene Bonaka Charlotte Mbilita, Makama Monolele Mkali Opoko, Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Yo Tebo Taka Chako Kone Mila Wali Lamwa Labio Nakato Faites maman à Josué. Rosangé maître Mbala Kona Koto Moloba Ona Mongi Tumana Bike Balongane Nitu Mambu Eko Meyo Komo Teki Mapango Papa Naka Eiko Lesi Mushiedi Kami Dima Mouana Deje Mboyo Mba Mososo Nani Lokomo Sao Yazi Ipalo Nangani Papio Ngatu Jogo Wele Yena Papa Berna Yare Fani Flep Deni Yokana Kala Yena Kana Boto Motezile. Alors ben, dis qu'à papa la chasse. Comme même un gars qui nous dit pas tirer pour ça, pas tirer pour ça, pour ça, comme un gars. Pas qu'il n'a pas gagné mon salaire, très content. Pas qu'il n'a pas gagné, il y a très content. Très heureux, très heureux. Pas qu'il n'a pas gagné, il y a un an. Pour qu'on suit d'un code à l'île. Pas qu'il n'a pas gagné, il y a un an. Pas qu'il n'a pas gagné, il y a un an. Pas qu'il n'a pas gagné, il y a un an. Pas qu'il n'a pas gagné, il y a un an. Chomba Joko, ben il y a un an. Chopi, saka, aka, ciel. Ou pas, il y a un an. Yeah, yeah, yeah. la ville, Tatiana. La première à loupe, belle à taille. Yeah, yeah, yeah, yeah. L'homme à bonnet, ta épargne. Qui m'envoie, yeah, yeah, yeah. Ma voix, on a pour mon voyage, mais voilà, c'est ça, donc on a encore gagné. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, Laura Lorenzo Montella va pango Dani do Faya Le folo comme passé Ya Gabi Bepi Chaki Bonoma de Takotape Lina Imbolo Kasi Mosekolo Pana Yeste Rifei Mana Mwana Mandaka Vesa Bopolo Yasika Bibi Mole Kintela na Kwaka Mete Chio Mama Mala Nene Vesa Dodo Mbukwa